Alfonso Nduimana. Bonjour à vous tous, Alfonso Nduimana sur la mise en onde de ce journal. Nous sommes le 17 février 2020. Voici les grands titres de cette édition. Une nouvelle forme de vol fait son apparition à mairie de Bujumbura où des bandits trompent la vigilance des domestiques en se présentant comme des visiteurs. Reportage dans ce journal sur un ménage qui s'est fait voler hier, télévision, ordinateur et autres objets. Alors que les banques commerciales sont les seules autorisées à faire le change de devises dans des bureaux ouverts en leur sein, le constat de nos reporters est que ces banques achètent ces devises mais n'en vendent pas. Et le rendement des minerais, surtout le Colombo Tantalite, en commune Kawarore de la province Kayanza, a sensiblement augmenté, passant de 400 kg à 5 tonnes par mois ces 5 derniers mois. L'administrateur de cette commune explique ses performances par la destitution des administratifs à la base impliqués dans la fraude de ce minerai. Notre correspondance sera en ligne dès le début de ce journal pour les détails. En actualité sous-régionale, les fans du chanteur de gospel Kizito Mihigo pleurent sa mort. Cet artiste rwandais a été retrouvé mort ce lundi matin dans sa cellule à Kigali. Après son arrestation jeudi dernier, dans un communiqué publié ce matin, la police affirme qu'il s'agit d'un suicide. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, direction Kayanza. Et c'est pour retrouver notre correspondant qui nous rapporte que le rendement des minerais à majorité, le Colombo Tantalite, a sensiblement augmenté, passant de 400 kg à 50 000 kg, soit 5 tonnes par mois, comme une Kawarore de la province Kayanza, ces 5 derniers mois. C'est Victor Nakirutimana, administrateur de cette commune de Kawarore, qui le dit, en indiquant que cela est dû essentiellement à la destitution de quelques administratifs à la base qui étaient impliqués dans la fraude et aux différentes séances de sensibilisation de la population à la lutte contre cette fraude. Victor Nakirutimana appelle la population, l'administration et la police à conjuguer les efforts afin d'éradiquer à jamais cette mauvaise pratique. De Kayanza, nous retrouvons Patrick Nsengiyumva. Comme l'indique Victor Nakirutimana, administrateur de la commune Kabarore, la destitution de quelques administratifs à la base qui s'impliquaient dans la pratique de la fraude en cette commune est l'une des causes majeures de l'augmentation du rendement des minerais, en majorité Colombo Tantalite, ces 5 derniers mois. Il fait savoir que le rendement des minerais en cette commune a passé de 400 kg à 50 000 kg, soit 50 tonnes par mois. Victor Nakirutimana précise que ceux qui pratiquaient la fraude ces derniers jours acheminer les minerais au Rwanda, un pays frontalier de la commune Kabarole. Les chefs de Corine destitués étaient essentiellement ceux de Corine Rukere, Manga, Yamukona, Gashiru, Kidunduri, Mugera et Chaguka. L'administrateur de la commune Kabarole fait savoir également que les séances de sensibilisation menées à l'endroit de ces administratifs à la base nouvellement engagés et à la population locale en général ont été aussi une cause non moins importante pour l'augmentation des minerais en cette commune, ajoute-t-il. Victor Nakirutimana, administrateur de la commune Kabarole, témoigne que le combat contre la pratique de la fraude se poursuit dans cette localité car, dit-il, c'est une pratique de nature à porter préjudice à l'économie du pays. À cet effet, il invite la population, les administratifs à la base et à la police à poursuivre cette lutte afin d'éradiquer à jamais cette mauvaise pratique. Quant à Anisenda Izeye, gouverneur de la province Kayanza, la tolérance reste zéro à quiconque sera attrapé en train de faire la fraude et à tout un individu qui s'implique de près ou de loin car, martyre-t-il, ces gens sont considérés comme des ennemis de la nation. Le gouverneur Anisenda Izeye appelle par conséquent tous les concernés à rester toujours vigilants, surtout en cette période où débute très bientôt la campagne Café 2020. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Économie toujours. Le portail en ligne du Burundi instauré par l'Office burundais des recettes favorisera la transparence des procédures du commerce transfrontalier et l'harmonisation des réformes de facilitation des échanges pour les commerçants et pour les petites et moyennes entreprises en particulier. Une formation d'une semaine a été organisée dès ce lundi à l'intention des techniciens de l'OBR pour le renforcement des capacités dans le but d'établir et opérationnaliser le portail. Adolphe Manirakiza, commissaire des douanes et assise à cet office, précise que ce portail du Burundi va renforcer la confiance des commerçants dans les secteurs agricoles et horticoles à travers l'accès aux procédures de commerce transfrontalier de leurs produits. Suivez-le. Ce projet vise à faciliter les échanges. Faciliter les échanges, ça sous-entend que les commerçants, les entrepreneurs sauront quelles sont les formalités qui sont exigées préalablement avant qu'ils ne se rendent même dans leur business. Donc cela pourra alors le faciliter, l'accélération non seulement des procédures, comme ça sera informatisé, il y a un site qui regorge toutes les informations nécessaires pour que quelqu'un qui se rend puisse se renseigner en temps utile sans toutefois courir à gauche à droite. Donc le site sera alimenté de façon régulière et doit contenir toutes les informations concernant le commerce. Autrefois, on cherchait les informations peut-être de bouche à l'oreille, mais maintenant, ces informations qui sont recherchées seront regorgées sur un site web, lequel site web sera accessible à tout le monde qui voudra avoir des informations. Également dans l'actualité, l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi recommande la mise en quarantaine des étudiants burundais récemment rentrés de Chine. Lors d'un point de presse animé ce lundi, l'ambassadeur de Chine a rassuré que les résultats de la lutte contre l'épidémie de coronavirus sont satisfaisants. Li Shanglan demande à ses étudiants de limiter leur sortie et de ne pas participer au rassemblement. Je propose de l'écouter dans ses propos recueillis par Moïse Misako. Avec la mobilisation d'importants moyens humains, financiers et techniques, nous avons obtenu des résultats positifs dans cette lutte contre le virus. Ces derniers jours, on assiste à une diminution de nouveaux cas, non seulement dans la ville Wuhan, épicentre de l'épidémie, mais aussi dans le reste du pays. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a environ 10 000 patients qui se sont rétablis et ont quitté l'hôpital. Comme vous le savez, la Chine est un pays responsable. La Chine, c'est un pays hospitalier. Le gouvernement chinois attache une haute importance à la sécurité et à la santé de tous les étudiants étrangers en Chine. Ces étudiants étrangers ont été incorporés dans notre système de prévention et de contrôle de l'épidémie. Je dirais que ces étudiants étrangers, ils sont entre les bonnes mains des autorités universitaires. Donc, je leur demande de rester serein sur place et de suivre strictement des consignes. C'est la meilleure façon, à mes yeux, de se protéger et de protéger les autres. Ensuite, en direction des étudiants burundais qui sont rentrés récemment au Burundi. À l'aéroport, on m'a appris qu'il y a des étudiants burundais qui sont rentrés au Burundi depuis le 1er février. J'aimerais leur dire ceci. Des mesures de précaution, des mesures de quarantaine s'imposent à eux. Ils sont recommandés de limiter leur sortie, de ne pas participer au rassemblement et de prendre la température deux fois par jour. Également, ils sont conseillés de maintenir une bonne communication avec leur université pour connaître la date de la rentrée des classes. Le gouvernement chinois dispose d'importants moyens, dispose d'une bonne organisation, aussi bien matérielle, médicale, financière, dans la lutte contre l'épidémie. Et nous sommes confiants en notre victoire dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Parlons sport à présent. La formation de football Vitalo FC a battu Olympique Star de Muyinga sur un score de 5 buts à 2 lors de la 21e journée du championnat national de la première division Premier League. Le club messager Ngozi a regagné la première place du classement provisoire après sa victoire de 2 buts à 1 face à Abuja City. C'était lors d'un match joué samedi au stade Inhwari. Actualité sportive, Évariste Nzikobanyanga. Le championnat national de football de la première division était à sa 21e journée ce week-end. Ce dimanche, au stade Inhwari, Interstar a égalisé un but partout avec les Lières. Au même stade, le match qui a opposé l'Idéal Ludique et Atletico Academy s'est soldé sur le score vierge de 0 buts partout. Au stade de Pispak de Makamba, Aigle Noir a égalisé un but partout avec Musongati FC. Le match qui était attendu par les amateurs du ballon rond a opposé Vitalo FC et Olympique Star qui s'est soldé sur 5 buts à 2 en faveur de Vitalo. Samedi, au stade Runani de Buganda, Bumamuru s'est incliné 2 buts à 1 face à Burundi Sport Dynamique. Au stade Inhwari, Messager Ngozi a battu Buja City 2 buts à 1. Après cette victoire, le coach de Messager Ngozi, Jimmy Ndayizeye, a indiqué qu'il est toujours optimiste de remporter le trophée de cette année du côté de Abuja City. Seko Alexis précise qu'il compte concentrer les efforts au tournoi de la Coupe du Président. Messager Ngozi vient en tête du classement provisoire avec 40 points, ex-aequo avec Musongati FC qui est en deuxième position. C'est au moment où Ngozi City est dernier avec 14 points. Évariste Nzikobanyanga, je vous l'avais dit, les bureaux de change sont fermés comme décidé par la Banque de la République du Burundi. Du moins, les bureaux de change privés. Alors que ce travail était confié aux banques commerciales, celles visitées par la radio Isanganiro en mairie de Bujumbura l'avant-midi de ce lundi sont en train d'acheter les devises sans toutefois les vendre aux clients. Les demandeurs de ces billets étrangers demandent qu'ils soient disponibles afin que leurs activités ne soient pas paralysées. Eline Nibel Nebegira. Sur certains bureaux de change, le constat est qu'ils sont fermés. Les écrits qui étaient sur certaines maisons de change ont été à cet effet effacés. La décision de la Banque centrale donne ce travail aux banques commerciales. À la banque BCB, par exemple, deux guichets de change sont ouverts avec la queue de personnes qui viennent les saisir. Mais le constat est que l'on reçoit ce qui apporte les devises, mais l'on ne les sert pas. Toutefois, certains disent avoir été sommés d'attendre. L'exemple est cette femme qui voulait s'approvisionner en devises pour transférer son enfant à l'étranger pour des soins médicaux et qui dit avoir été demandé de patienter. Même à la banque Interbank, sur l'agence destinée à accueillir les acheteurs et les vendeurs de monnaie étrangère, l'on est accueilli par une note régissant ce travail. C'est écrit, je cite, « Nous tenons à vous signifier que la banque ne pourra vendre que les devises apportées par la clientèle, étant donné que la banque ne bénéficiera d'aucun approvisionnement de la part de la Banque de la République du Burundi. » Fin de citation. Un demandeur interviewé et qui cherchait les billets étrangers pour prendre un vol ne sait pas sur quel pied danser, mais dit rester patient. La situation vraiment, elle est instable parce que je cherche les dollars, j'ai un voyage, mais je vois que je vais rater mon voyage parce que je trouve pas le dollar et mon business va s'arrêter. J'ai visité deux banques pour l'instant, mais sans succès. Ce citadin demande que la monnaie étrangère soit disponible afin que les activités de la population continuent. Je demande que si on cherche les devises, qu'on les octroie. Si on leur amène les devises, ben là, il n'y a pas de problème parce que c'est leur bénéfice, ils le prennent. Mais nous, on cherche toujours les devises et c'est un problème pour nos business. La Banque centrale a exigé au bureau de change de travailler jusqu'au 15 février courant, puis a confié ce travail aux banques commerciales. Elie Nibel Nibigira est contactée à ce sujet. La Banque de la République du Burundi a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Et en bref, une nouvelle forme de vol fait son apparition à mairie de Bujumbura. Des voleurs se déguisent en visiteurs et trompent la vigilance des domestiques. Cela s'est passé hier dans le quartier Gassigny de la zone Guihosha, au nord de la ville de Bujumbura. Ces personnes ont volé des télévisions, ordinateurs et d'autres matériels. Mais leur objectif était de voler de l'argent. La population dit que ce genre de vol est difficile à combattre et conseille la vigilance. Le reportage n'est pas encore prêt et ce n'est que partie remise. Rendez-vous dans notre édition de la soirée. Et les travaux de déviation de la rivière Nahangwa près de l'avenue Mukarakara côté Kigobe Sud, extension qui était impraticable, sont à 75% n'eût été les récentes pluies qui ont ralenti les dix travaux. Précision du directeur technique du groupe EISEK qui effectue ses travaux pour le compte du gouvernement avec l'appui du PNUD pour lutter contre les effets du changement climatique. Marc Ruguerignangue souligne en outre que les travaux de la première phase à l'école primaire du jardin public en zone Nyakabiga étaient durs mais ont pris fin. Les bénéficiaires des travaux jubilent mais plaident pour ceux du côté de Mugoboka, Mutanga Sud et ailleurs. C'est un reportage de Mireille Kanyang. Des engins de chantier par ici, d'autres par là, des gabions sur la rivière Nahangwa, l'avenue Mukarakara aujourd'hui praticable, des personnes exécutant différents travaux sur cette rivière, une pente artificielle verdoyante à l'école primaire du jardin public EPJP. C'est la première image arrivée au quartier Kigobe Sud Extension en bas du pont de la République. Fait dans le cadre du soutien au gouvernement en matière de résilience au changement climatique, soutien de l'Agence onusienne de développement PNUD, l'ingénieur technique au groupe EISEK parle de la première phase. La première phase consistait en la protection des écoles qui se trouvent dans le quartier Nyakabiga. Ce qui a été fait parce que les travaux consistaient à faire des remblais d'à peu près 128 000 mètres cubes et la pose aussi des gabions pour pouvoir soutenir ces remblais et la création des terrasses parce qu'il fallait le faire en gradin. Cette phase a été terminée et nous voyons que la stabilité a été bien faite. Marc Ruguerignang précise que la phase 2 à l'avenue Mukarakara arrive à un niveau satisfaisant malgré les cas de force majeure. À l'étape où nous sommes, vous voyez que les travaux ont beaucoup avancé. On était à plus de 75%, ni été. Et les pluies diluviennes, le cas de force majeure qui est survenu entre les dates du 26, 27 et 28 janvier. Actuellement, on serait déjà vers la fin des travaux. Joseph Ngoti habite l'avenue Mukarakara depuis 12 ans. Il apprécie ses travaux et espère que ses voisins regagnent leur domicile. Les deux premières maisons de la route Mukarakara, ils étaient menacés. Mais aujourd'hui, ça va. Ils ont commencé il y a 3 semaines. Alors, tu vois qu'il y a dans trois semaines, ils ont déjà fait beaucoup par rapport aux autres qui avaient commencé à faire. On a l'espoir que ça va quand même reprendre ce qui est détruit. On va les reconstruire. Les bénéficiaires des deux phases plaident aussi pour ceux des habitants de Mugoboka passant par Mutanga Sud, à l'avenue Sanzu, où différentes infrastructures sont menacées d'écroulement. Il plaide également pour des travaux de stabilisation des berges d'autres rivières, passant par la capitale économique, Bujumbura. Mireille Kanyangé, une personne a été grièvement blessée à la machette au cours de cette nuit de dimanche à lundi par des personnes armées qui n'ont pas été identifiées. C'était vers 2h du matin sur la colline Erugenge de la commune Manda en province Bubanza. Ces voleurs ont emporté une somme d'argent de plus de 6 millions de francs burundais, des habits et des téléphones portables. Après le forfait, ils se sont volatilisés dans la nature, tirant à l'air des balles d'intimidation. Au niveau de l'administration et de la police, on indique que les enquêtes sont déjà en cours. Et au Rwanda, le chanteur de gospel Kizito Mihigo, qui avait été arrêté le 13 février, a été retrouvé mort ce 17 février au matin dans sa cellule à Kigali, la capitale. Selon un communiqué de la police publié ce matin, il s'agit d'un suicide. Kizito Mihigo était de nouveau derrière les barreaux depuis trois jours, un an et demi après avoir été libéré par grâce présidentielle. Selon nos confrères de Radio France Internationale, cette fois, il était soupçonné d'avoir voulu traverser illégalement la frontière burundaise pour rejoindre des groupes rebelles. Les autorités affirment avoir ouvert une enquête pour trouver le motif de son suicide. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique sport ce lundi, l'on parle du tennis de table joué par deux personnes sur une table de 2,5 mètres de longueur et 1,5 mètre de largeur. Le président de la Fédération burundaise de tennis de table, Ali Bukumbanya, fait savoir que le match de tennis de table est gagné sur le score de 11 points. Le gagnant doit dépasser 2 points son adversaire, Isne Baliko. Le tennis de table est pratiqué par deux personnes qui se gagnent sur le score de 11 points. Le gagnant doit dépasser de points son adversaire. Cela est dit par Ali Bukumbanya, président de la Fédération burundaise de tennis de table. Le tennis de table, c'est un jeu qui est pratiqué au Burundi maintenant et qui prend de l'envergure. De plus en plus donc, je peux dire que c'est un jeu qui devient courant, même parmi les gens qui ne sont pas instruits. Parce qu'au départ, on avait constaté que c'était un jeu qui était généralement joué dans les écoles. C'est un jeu qui se joue par comptage et les points d'un gagnant pour un match normal, c'est de 0 à 11. Pour gagner jusqu'à 11, il faut que vous ayez 11 alors que votre partenaire a 9 points. Donc, généralement, il y a une différence pour gagner de 2 points. Quand vous n'arrivez pas à gagner à 11 et que vous allez au-delà, chaque fois, vous devez avoir après le score de votre partenaire 2 points. Pour pouvoir gagner. Ce président de la Fédération burundaise de tennis de table fait savoir que ce jeu se joue sur une table de 2,5 mètres de long et 1,5 mètre de largeur. Alors, ce jeu, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un jeu qui se joue d'abord dans les salles et qui se joue sur une table. Cette table peut avoir environ 2 mètres, 2,5 mètres de longueur et probablement 1,5 mètre de largeur. En ce qui concerne le système d'arbitrage, Ali Bukumbanya indique qu'un match de tennis de table est arbitré par deux arbitres se trouvant dans un sens contraire. Donc l'arbitrage dans notre système de jeu est assuré par deux personnes. Chacun se place d'un côté de la table, un autre de l'autre côté. C'est pour en fait de partager les joueurs parce qu'à un moment il y a des querelles, des disputes. Quand il y a probablement une mauvaise interprétation, soit tirée de la réglementation, ou bien c'est pour quelquefois veiller à ce que si la balle n'a pas touché la table, qu'elle est allée à l'extérieur, que les arbitres puissent dire voilà, la balle n'a pas touché la table. Ou bien il y a une erreur quelconque qui est réprimée par la réglementation. Selon ce président de la Fédération de tennis de table, le tennis de table a commencé en Angleterre en 1880. Il a été introduit au Burundi vers les années 1960. Dans la prochaine chronique sportive, Ali Boukoumbanya expliquera l'état des lieux de tennis de table au Burundi. Isney Bariko. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Et je vous souhaite de se passer un très bon après-midi.